humaine. Y'a des tas de trucs qu'on garde au fond de nous et d'autres qui nous gênent comme des lampes halogènes. Ça nous envahit, nous trouble et nous éblouit. Fais-nous des condamnés malgré les choses qu'on regrette. J'ai fait du mal alors que je ne voulais pas une femme. C'est présenté à moi alors que j'ai pratiquement la bague au doigt. Dis-moi comment tu t'appelles, donne-moi ton fond d'aile. Salut, ciao bébé, on se rappelle. C'est là que l'histoire commence. Non, non, pas une histoire de romance. Histoire d'être bien avec nos ambiances. C'est vrai qu'elle est belle la gazelle. C'est pas que je suis fou d'elle, je sens tas à bas que je veux d'elle. C'est tout juste une histoire de sexe. Entre elle et moi faut qu'on se finisse et qu'on se sexe. Et là, tranquillement je rentre à la maison. Comme si Drain était joue les gentils garçons. L'erreur est humaine. Très vite, je trouve un scénario, excuse-moi chérie. J'avais du taf, j'étais au bureau et je fais le mytho. Pour qu'elle se doute de rien, car d'habitude je rentre tôt. Et là, si elle savait où j'étais, sûr pour moi, j'aurais passé un mauvais quart d'heure. J'en doute pas, je le sais, quand tout à coup mon portable sonne. C'est étrange à cette heure-ci, je n'attendais personne. Mais bon, je réponds. Salut Mag, ça te dit de passer me voir à la maison? Bah j'arrive. Une fois de plus, faut que je baratine. Je tape le coup de gars qui va voir ses potes. Alors qu'en fait, je vais bécoter, me taper la cocotte. Une fois de plus, je sais que je suis dans un délire. Un batterie, une histoire de cul, prêt à se finir. L'erreur est humaine. Ça y est, je suis parti, j'ai claqué la porte derrière moi, malgré que j'ai menti. En mission sous-marin, je fonce ce soir, j'ai de l'appétit. Quand j'arrive, la go m'accueille en string captive, déjà je sens qu'elle salive même. Tout était prêt, l'odeur de sa peau, sa tenue, elle a fait exprès. Oh là là, j'ai envie de toi. De moi, t'inquiète, tu le demanderas pas deux fois. Tac, tac, tac, et nous voilà déjà sous les draps. Je fais du rodéo, des coups de rein de bas en haut. Je sens qu'elle aime ça, la go. Ça va être chaud, ça y est, je suis soulagé. Mais je sais qu'au fond de moi, je regrette. J'ai laissé ma femme à la maison pour un coup de quéquette. Vite fait avec la minette, chante à ta tête. Merde, j'ai déconné, merde, j'ai déconné. Oh, c'est fou, j'aimerais oublier. Fermer les yeux et que rien ne se soit passé. L'erreur est humaine.